بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه البلوغ المرام من عديدة الأقدام وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وننظر إلى آثار القصد فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا فيصلي فيه ففي لفظ له لقد كنت أحفه يابسا بزفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين واهل طريقته الفائزين الرابحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته غننا بن سنت يالا جول سي انتبي صلى الله عليه وسلم نيغي لين دي نيو دي لين زياره دي لين بالو حق تي نيان بروم بي سبحانه وتعالى بولن جيغل كوم hadrat rais yi nga xamantene mom la hadith yi mu jotta jang ni moy hadith sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha wa ja'ala 'aliya al-firdaws mathwaha wa ma'waha mom mo ne wa an aisha radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaghsilu al-maniyya thumma yakhruju ila as-salati wa ana anzuru ila athari al-ghasl fihi متفق عليه ولمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ الله لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم من عن سيده عائشه جلنا سيده عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت لنا كان نيكون رسول الله ندول يالا صلى الله عليه وسلم يغسل دان رخص المني مني ها من ثم توب مو ген ثم توب يخرج مو ген الى الصلاه دم تي جول وانا فك من انظر ما نجي دي جيس الى اثر الغسل تي جيختلو رخصي رخصني فيه تي يربي mu gën dem ci jakk ji di julli ji fekk man mi mu raxass ci li yeer bi legui ni dem nga toy toy bi mi ngi ci comme ni mu nekk ci yenen raw inna buqa al ma'i ha la fi sawbihi sallallahu alayhi wasallam mais manam li ndox mi di ragne ko manam ni raxass li la mom mi ngi ci yeer bi ñukoy gis munaw fi lafs lool mutafaqun alayhi depo nañ ci solo ko manam ñaari imam depo nañ ci solo ko rahmatullah alayhima mo al imam bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhima munaw fi lafs li muslim amna ben kaddu ci bu imam muslim solo bo xamantene imam bukhari rahmatullah solo mom neena laqad kuntu afruquhu min thawbihi wala bok min thawbi rasulillah sallallahu alayhi wasallam farkan fayusalli fihi laqad ginnan deug deug nak kuntu nekkon na afruku wu don ko ah jonjo wala don ko jonjo min sawbi rasulullah ti yiri ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam farkan ak jonjo fa yusalli fi muradi julle ti yiri bo wa fi lafdhin la amna ci benen kaddu bo xamantene lahu fi lafdhin ci benen kaddu lo ñeal ko mom imam muslim batay rahimahullah mune laqad kuntu jinnami nekkon na ko xamne akukku dama ko dan xos bi zufri ak sama we ya bi san fek man ni ma ngay nek aji wow kon min saw bi ci yere yi mom yent bi sallalahu alayhi wasallam kon hadith yi mom la moy li nga xamantene mom lañu tambale wona jang ba yexi won ci lan def nañ takhrij bi wax nañ liko tax ñew ci buntu bi ak li tax Imam Hafiz rahmatullah alayhi indiko ak li nga xamantene mom la lambo ci ay ndariñ manam buntu bi ak li nga xamantene mom moy jangat bi aju ci buntu bi legi ñu wara waxtane manam ñu doon waxtane sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha mi nga xamne mom mo solo hadith bi bala lolu inshallah ta'ala dafa am ben parenthèse buñu warona def buñu bëggona def inshallah ta'ala ci bir ndax dafa ñewon ci question yi ci detail bi wessu té tay manam ci bëccëg gi ñuy xol ci Facebook bi ndekete question bobu manam dafa xawa def manam genre buzz comme niñ koy waxé ci média yi bayiwuñ ko won xel nak parce que bayiwu mo won li tax ma bëggol ci revenir moy dama bayiwu dama gis ni bima ci tonto après dafa am ay genre questionnement manam ay interrogation yu ci soulevé wu yo xamantene ci la kom après bima défé lien bi ak lima gis tay ci la gis ne ndekete interrogation ak questionnement yi ndekete xeyna amal na liko waralon moy né ñom dañ ma jitu won ci information yoyu té man xawmu won ndekete lolu amna luñuy wax ci walu télé ak ci wala radio bi télé bi plutôt télé bi ci walu gogu moy ki nga xamantene dafa wax soxnam ne ko bo fi fanane yaax bay sa bop manam masala bobu bima gisé tontu yi nga xamantene mom lañ ci wax ci télé bi à travers pièce théâtrale ben pièce théâtrale wala yu mel nonou ak après lim suscité wax yi ñu ci wax ak yoy dañ ci bëggoon indi benen menam ak xétu léral rek ci buntu bobu nonou ak tamit tontu bi nga xamantene mom lañu joxé won ana lan motax ñu joxé ko ak lan lay manam lan lay tékki ek subtilité bi nekk ci manam sew sew bi nekk ci manam ñi nga xamantene amana fofu la ñi tontu liñu tontu fofu lañu xawa amé rëcc manam point de subtilité bobu moy point bi leen rëcc ci wax ji ñun dañ wax on né ki nga xamantene mom mo ni soxna mbo fanané yaaf baye sa bop fas lolu tuddul fasé batay li tax nak moy né fasé bat la bo xamantene manam bat at-talaq manam moy fasé dafa wara nek bat bo xamné dafa wara lèr nañ té batuk al batuk bo fi fanané yaafi téyé sa bop du bat bo xamné dafa lèr lutax dul bat bo xamné dafa lèr lolou dañ ci ñew légui inshallah ndax dafa am qaida moy d'ailleurs jang nañ ko xam wax nañ ko fi waxati ko waxati ko nga xamantene dafa bok ci juroomi qawaid yi nga xamantene mom la l'islam bi yépp téggo té benn bi ci ñom mom moy qaida moy règle règle bu fondamental bo xamantene l'islam bi yépp ci juroomi règle yu fondamental yoy lañ téggo benn bi moy al yaqin la yuzalu bi shakk al yaqin lu woor lu leer la yuzalu defu ko tokhal bi shakki ci siki saka ki xesna ba nek sama jabar lol mom leer na nañ lepp lo xamanteni da fay dindi nek gi mu nekkon sama jabar tek ko ne manam dindi relation bob da fa wara nek lu leer xam manam lolou benn point la bu am solo bo xamanteni da fa mata baye xel ndax du fo du fo du tiaxan te li koy dindi da fa wara leer tanta li nga xamantene mom moy baat bi nga xamne ñom mom lañu wala bok ñen ci ñom lool lañu wax parce que amna ku tontu ne fasé bi du dox mais amna ño xamantene dañ ne kenn ki dafa ne fasé bi day dox ndax kokhu moy al mumallaka manam ne dañ ko momale bopam ndaw sos kenen ki ne affaire bi gënna sori lolu moy su ndaw ci comprendre ci wax ji ne manam mom may lañ ko xowa comme que manam mom su beugé su ko nexé da nan manam muju na nek fof ñetti fasé té bu boba ñetti fasé lay doon wax joju mom moy bi gëna tumu nanké tamit ci wax ji parce que même buñu supposé won né dañ ko momalé bopom sax manam ben yoon lañ ko momalé bopom momalé wuñ ko bopom ñetti yoon a fortiori que ni légui nak li di wax manam li nga xamanténe mom moy dindi le fait que manam momalé bopom bop fofu la subtilité bi nak xam nga effectivement nit mën na ci déggé non lool mom motax rutu la manam fétu mal compréhension la wala bok ñak gi subtilité wax ji la parce que xam nga fofu fanane yafté ce bop arabe duñ ko wax touba bi xam duñ ko wax manam question culturelle la quoi manam ñun mën nañ ko wax demal ko keur bay par exemple touba bi leg dot ñu ko wax parce que amuñu keur bay hein voilà donc yoy ay terme la yo xamanteni c'est culturel donc buñ koy natalé ak suñu wax ak wax yi nga xamne mom la sharia di nangu il faut que ñu xol point par point subtilité wax yeb baat bu nek lan lay tek baat bu nek lan lay tek ak baat bu nek buñ ko jëfëndiko lan lay wund lool mom motax pour def ben parenthèse bu ndaw motax ngeen di gis borom xam xam yi rahmatullah alayhim fuñu bind sen téré yi wala ñuy sharha ben ayé wala hadith wala ñuy sharha ben wax bu mëna doon ci waxu kenn ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim da ngay gis mot bu nek dañ koy définir dal ni mot bi étymologiquement li lay tek fi moy origine mot bi fi li lay tek contexte bi li mën na ci tek li et cetera nangam mo da ngay gis buñu paré ci lool nak doga nak wax doga contextualiser moy ba paré firiko gën ko yaatal et cetera manam mais duñ ñew rek di wax nonu rek moy non buñ ñewé nan comme par exemple kitabu tahara duñ ñew rek nek kitabu tahara ci rebb laap mu jeex dedet dañ nan kitab moy nangam li lañ ci djublu mais ci contexte bi wala ci terminologie borom xam yi di yëngatu ci domaine sangam baat bi li lay tek mok li nangam manam non lañu évoluer étymologiquement li la et après ni la évoluer lolu day tax bañuy génn ci ben problème bu nek suñ jamono manam bo xamantene ñun légui dañ ko am moy dañuy jëfëndiko ay mo yo xamantene deug xamuñu lu muy tek manam dañuy gis par exemple abta am ta o li ñu ne dëkk bi dafa ta ñu am mënd mo am ci dëkk bi mënd té ku ne xamna ni inondation ak déluge du bénn déluge lu graw la wala ñu wax né pauvreté amna wala bok sécheresse amna gaay bëgg wax lool daal né famine mo am alors que du bénn moy manam daal né am ñak ak ndol du bénn voilà même da ngay gis même ni ñuy waxé sax da ngay gis voilà c'est choquant je suis sidéré parce que alors que xamuñu sax baat yoy ñun limi tek manam avant ñu di utiliser un mot il faut que d'abord ñu xam lan la mobile tek lool mom motax usul yuna yi am ben qa'ida bo xamne mom lañ tek buñu tuddé al hukm far'un 'an at-tasawwur manam atté ci mbir mu mëna doon manam dafa wara juddo dafa wara genné ci d'abord ñu xam wax ji lan la wundu ba paré manam bala may atté teural atté ci dara il faut que ma xam lool de quoi s'agit-il fi xamaguma de quoi s'agit-il mënuma ci indi jugement donc manam nek bay xel préalable yoy nonu ci processus argumentation ak processus fu jox jugement ci atté yi ci mbir yi lolu amana mom moy problème bi en fait legui comme ñu déllu ci wat ci question bi dafa am li tax ki bokut ak kuñu momale bopam moy me baat bi dafa bëri ay ihtimalat manam dafa bëri lu muy firi lu muy tek ci qaida bi dafa wax ne ad dalil من الدليل اذا كثر فيه الاحتمالات ولا اذا دخل فيه الاحتمالات دخل فيه الاجمال وبطل به الاستدلال بيب ارغومون بيب واخ bo xamantene ay ihtimalat da ci am moy ay supposition da fay da di commencer leum manam leum moy day dugg ci ben manam wax ju general ben generalité wala wax jo xamantene da fa leum moy lu contraire précis contraire détaillé manam contraire détaillé manam moy lan konsi wa lu leunt wala wax di day daari commencé leunt lutax parce que benn bat lay doon bo xamantene lu nek man na ci ene tay buñ doon def benn enquête dané benn auto mo fi jaaroon rek bayyi non lolu day tax duñu mëna atté né kon moddu mo doon dawal auto bi lutax parce que auto moudou ak auto rek de manière générale da fay manam auto da fay yatou trop pour auto moudou rek wara nek auto biñ doon dawal fofu manam donc mou bi ay supposition da ci dal meuna dugg manam kon ijmal da ci dugg moy nek da fay leunt manam da fa mujjé leum bu boba man ko utiliser comme argument day dal di dakk moy wa batala bi istidlal legui do jeexna do ñu ko mëna utiliser comme argument dañu daal di delu ci wat ci principe de base ci principe bi moy lan moy al yaqin la yuzalu bi shakk lu wol kenn duko dindé ci siki sak te baat bobu non ihtimala di daf ci bari manam bo mi fanane ya ko ya baye sa bop mom ihtimala di daf ci baye parce que wax comme liñ ko waxé won ci jotay bi wessu baat bi ko gëna leer moy delu su keur baye mo gëna xam nga lool mo gëna leer bo fanane ya fi sa bop andak delul sa keur bay du argument pour fasé parce que mën na nek na delul sa keur bay ñoo ngi ñew di régler ci problème dina régler ci problème bi après mën na tek lu né donc loolu da fay daal yaa légui nak ci kaw loolu lan mo tax comme par exemple batou mayna la sa bat xam nga lan mo tax mu wouté ak bi xam nga bu mo né la mayna la sa bat en fait bobu boko xolé kok mom dañ ne ko legui man nga dem sa yone manam en tant que ñu fassé la lan mo tax baat bobu di mëna tekki fassé lutax mu mëna tekki fassé lutax mu mëna tekki fassé mom moy dañu tuddu cieur ci yaram bi cieur bo xamantene kenn mënu ko takalé ak yaram bi ba faré nit ki continue di dundu re comprendre da lota alquran bu ñe tuddu cieuru comme ne fakku raqaba par exemple ne gorel na ben bat manam tinki na bat mais tinki bat moy la parce que bat moy cou bi bat ni bat dafa buñ ko waxe day tek nit yep parce que lutax parce que kenn mënu takalé nit ki yep non motax tay nit ki soné par exemple té motax fuqaha subhanallah manam sew baat yi tay nit ki buma nek nit ki su amone jamam ne jam bi sa karaw yi gorel nako bu boba jam bi du goré lutax parce que mën na ñoo wat karaw gi mu téggu né nit ki continuer di dem yoonam té du am ben anomalie alors que su ne ko won sa loxo gorel nako moy yaram bi pu goré parce que terme li manam lepp lo xamantene dafa du bok ci cieur motax alcorane li tuddu par exemple di wax nan warqa'u ma raki'a ruku' alen di andak way ruku'e pourtant ruku' ala tuddu mais julli la ci tuddu lutax parce que julli mënul ñak ruku' manam bis bo ci dende roko rek julli bi do taxawati motax muy wax par exemple sujud nan han ko wala hadith mu nan fal yasjud sajda tayni ne ku ñew ku julli ci ñaar ku ñew ci juma ji ci jakka ji dal ni fal yasjud sajda tayni ne sujud ñaar sujud manam ñaar sujud li tekkelewul na sujud ñaar sujud mais moy ne julli ñaar rakka lutax ñu julli ñaar rakka mu jël sujud tuddé ko rakka bi yépp lutax parce que sujud parce que rakka mënu ñak sujud pilier la ci donc lepp lo xamantene dem na ba nek pilier ci mbir dañ koy daal mëna tuddé mbir moma lool mom motax par exemple batu mayna la sa bat mëna tekki fasena la mais bat la bo xamantene mënoko mënuñu ko joyal ci ay mbir yo xamantene ay ihtimalat ñoo ci nek manam ay supposition ñoo ci nek man tane batu moma la sa bop xam nga moy lan moy kuñ ne legui nak yow am nga choix su la nexé nga def su nek sama soxna su la nexé nga dem bayina nga dem ñu bayila ma may la sa bat legui yow mbir mi ci yow rek la aju manam lolu souvent day faral di am ci ki par exemple ki fièvre yenn fièvre yo xamné yaakaaru tu ne dañu rewir et cetera wala bok mu yor soxna so xamantene xeyna mënu ko gis wala bok amna yu bari yu mëna xew dal yo xamné ay circonstances la yo xamné da nan soxna sakat legui ah mbir mi ci yow la aju su la nexé nga tok han su la nexé nga tok nga nek lu continuer nek manam nga tok ci kër gi nek soxna so bu so su la nexé mën nga tinké ko ci sey bi mën nga simé ko ci sey bi wala bok bu la nexé manam lolu koku lolu mom dafa leer ce qui veut dire que koku dañ ko momalé bopam mais quand ta batou sofi fanane yafté sa bop lolu batay taxu ñu tuddé bat bop mom nit ko momalé bopam voilà donc amna différence en fait amna différence ci mbiri voilà mais lolu yepp principal problème bi len ñaar la moy le fait que ci ki sak bi du dindi mbir manam du dindi lu wor mais aussi bi gëna mag bobu té mom ci le ronu lepp nek moy né muy lañu joxul sen valeur parce que voilà muy lañu joxul sen valeur voilà voilà par exemple bu ci tégon nak yewina la bo fanane ya tiss bo bu ci tégon bat yewina la voilà bo mom la ko bopam waye su fekkante ni tégu ci bat bobu lolou rek la wax lolou munu nek fassé ah wallahu a'lam légui ñu délu ci dedet sey bokul ci ar ci li tax sey ay tok nangam fan gi degguñu la fo nangam ak degguñu la lol bokul ci li tax sey surtout que bu fekente ne lolou man na ne manam surtout que su fekente ne possibilité wu mi ngi fi possibilité wu meuna degganté ba ngi fi deguma la lolou tassul sey non parce que deguma la limu lambo limu lambo mo bari moy meuna nek ne yaangi dundu meuna nek ne dundo te nit ki nga xamantene tay dafa demone tay par exemple ba ben moment manam ken degutuko amutun ci mom nuxal nga xamantene possibilité yiñ meuna def pour meuna xol ndax wajangi dundul yep recourir nañ yep ba waji mu leena legui manam nit ñi ñort ke ni dundatul ñu commencé ko ñu dejeul ko kon dañuy mais à partir de moment biñu jël décision bobu ci lañuy téngël soxna yi mais su waji delu ci waté même bu fekkon jigeen ñi dañu am seen ay yeneeni jëkkeur jabar waji lañuy wëlbeuti ku nok nek batay ce waji saxalu lool ah oui non la wara leer ba paré yeneeni question day aju ci ginnaw moy ay ndono geek yoy yep da ci delu ah non lool da wara leer budi waji delu ce jabaram yi ay jabaram lañ batay han ak fuñu meuna sey ji nak ci saasi au moment où xamnañ ni ndegete waja ngi dundu ci saasi yi ci le sey bele jeex ak fum ci fum leen mana fek ci saasi ci le sey bobu jeex voilà parce que lutax day delu soat ci qaida biñ wax legi al yaqinu ha la yuzalu bi shakki lu wor moy waaki waaji gi dundu waaji dundatul si ki sakala lu wor moy ne waaji ki jabaram la ki moy jabaram wala bok ñi ay jabaram lañ lool mom mo leer lu leer moy ne ki dafa en fait ki tak ki len takat manam moy fasé gel manam kenn mënuta tak zey ci kaw seul lolou man tane kon ci kaw lolou sey bobu yeuhut parce que ki di maye bat moy kat jeuker di na la ah wao aduna bepp buñ dajal won reñu ne sama jabar mom fim doon legi ñom tass nañ sey bi mais tassulo bu univers bi yep dajalo won la wax ne sama jabar tass nañ sey bi tassul de may leer man donguma gu meuna kasse man rek aduna bi ba aduna daj yalla manam gorgu am soxna ku nek aduna ba aduna daj yalla dako may pouvoir bo xamantene ab malaka sax mun ko tass sey malaka amul kenn ben serigne bu am maqame ne sey bi tass na amul gor gu yalla tek ci sa loxo soxna ku ne mom dong mo meuna taxaw ne sey bi legi man ma decider na manam ci laminam laj decider ni dal dafa am d'accord voilà non lol tontu nañ ci tontu wat voilà lolou su amé lolou lañuy wax ñaar mbir mo am jigen ji day mëna ñaan batam wala mu def luñu tuddé xul ñaan batam moy né moy comme luñu wax may ma sama bat dama bëgg tass suko waji maye batam bismillah suko mayul batam tassul su fekkenté né nak légui dafa def luñu wax xol moy musiméku lool moy condition bi nga xamantene mom lay tek moy dana man de legui manam dama bëgg genn ci sey bi lima la jox li nga ma joxon comme tian dama la koy delo man ma genn ci sey bi bu ko waji nango amul idda moy amul délai bobu ñu di xaar naan ay bu gisé ñatt yoon bërgam ak bu gisé loolu amatul ci saasi ci le sey bi di jeex tak mom bu gisaté benen yoon mbaxam rek keneen kum mëna doon da koy daal di mëna tak manam bu féké té duguna ci ñi mëna tak ñiko mëna tak bu gisaté mbaxam benn yoon kessé da ko daal mëna tak day daal mëna sey jiwat fenen waye su ko nangul nak manam su ko waji nangul nak affaire bi batay du dox motax alquran tuddé ku gor koku mun tuddé ko allazi bi yadihi uqdatun nikah moy ki nga xamantene ci loxom la fas fasu sey ne legui nak amna possibilité ou recours justice lolu amna moy ndaw si man na ne ah legui nak dañuy dem ci fama xana doone ben ah bu ko defé ñu daali may mana manam sama sey bi ñu daat koy mëna tass lolu mëna ko def mais lolu juge bi day daali xol est-ce que ndaw si indira ay raison yo xamantene yu wara mëna tax sey bi tass la manam comme ay acc yo xamne dañoo primordial ci sey yo xamantene waji mënu ko remplir su fekente na ak yoyu amul problème bobu wala bok mu di lor ndaw ci xéetu lor bo xamné dafa jéggi dayo su fekente na du ñaar yoyu du bénn ci bi ci appréciation juge bi da fay dal di mëna atténé kon nak hey problème yi xam nga lan la moy sey bi kat man mënu mako tass aw mu prérogative tass ko ñu dal di continuer voilà waaw manam voilà manam ci ha fam ba xala doone ben manam di non fi mom yiñ fi wax yépp fofu ci loolu la aju aju ñu ko ci nga dem ci tribunal lay gi ndax en fait dañoo incompétent pour mëna juger prononcer mais loolu la la wax ni mom moy fasxu moy moy xulou bi rek non dedet lolou moy bu ñane batam xulou bi moy bu deme jël ne am jobuna la nga ma joxon beugatuma la nga ma joxon la jël dol delo na la ko suko waji xese ba nangou rek jeexna lolou la la wax sank ne la mom moy fele sey ba yam amul ay amul dara ala ko budé dañ ko may batam koku faaw mu xaar idda bi jeex est-ce que tout wa voilà leg le wax di leer non lol la degu non man lol degumako non xam nga question bi leerutone wa leg leer na non manam bu xesu waji mom bu ne mu beugutul fasenako manam waji mom mo am manam fofu amul ne non ma ban tok na amul lol amul non amul fo a moins que waji dilat ko hein lolou mom motax amna point yu am solo ci buntu bobu motax dafa am point yu am solo ci buntu bobu moy hein dafa am point yu am solo fofu moy ne masalan ndax waji amna droit rek tok rek soxna ci defu ko dara munako fasena la voilà par exemple ci ay cause yu mel non cera ji nga ma togal saful la lo fasena la lolu question bobu nono borom xam xam rahmatullah alam dañ ci wouté amna ci ño xamantene ko té ñom ñoy jumbur manam ci ma ngu fuqa maliki ñom shaqi hanabila rahmatullah alam ñom dañ wax né ki wax lolu manam wajoju man na né manam amna manam sey fasé bobu day dox manam bu jigen bu waji dal mom konk mom ci loxom ci la fasé gi né bu ko bëggé fasé ngir lolu manam da koy fasé manam non bu ko ndaw ci defu dara mais fuqa harafiy rahmatullah dañ ni no gaay lañ xolat affaire bobu quand même parce que munuñu né ku gor ki manam ku jigen ki amulo droit fasé amulo droit ñaan sa baat ci lo xamantene amul dara amul cause den cause en tout cas cause bu valable bu doy munoko ba paré ñu koy permettre gor ki quand même té lool non bo sétlo ñom seen wax joju non moy mom mo gëna nuru quand même lu juk ndax lan ndax munuñu permettre manam ubbi buntu bobu non et que jigen di da fay jugé ci responsabilité wajurami nek ci responsabilité borom kërëm boole ko ak manam bu ko de wax ne ko defal nangam mu def ko su ko ne bayil nangam mu war ko bayyi ak yu mel non ba pare ñu li ko may rek mu di ko bayyi nonu manam mu di ko fasé nonu ci lo xamantene amul problème manam ci lo xamantene du cause bu valable même hatta ay par exemple dafa febar xam nga question bobu ci côté yoy lay gëna ñëwé manam waye li nga xamne moy sama lima dig yakar ci borom xam xam yoyu rahmatullahalem ke question yi nga xamantene mom lañuy wax fi ni nekul rek question par exemple tok na gis na damay def luma neex man ne ndaw ci legui beugutuma fasena la dem ngir beugul liberté gu upp rek lolu mom ala kulli hal lolu kuñ ko waxul sax da nga xamne gis gisu diine l'islam man ta nek lolu legui maintenant li nga xamantene mom lañuy wax moy comme par exemple ndaw ci dafa fever par exemple cas de figure d'ailleurs sax masala yoy ci yoy luñ koy faral di waxe moy ne ndaw ci dafa fever par exemple fever bo xamantene waji dafa japp ne xeyna limi dépenser ci mom day waja bari mu muju ko may batam ngir lu mel non non mais xam nga lolou ay subtilité la ci question parce que question yi dañu non quand même ay waaw voilà ay ki la manam nit ki meun na ne bon man manam ndaw si fim tolu manatuma jarino ci mom ci ben anam mais damay dobi newe nek di dépenser ci mom rek voilà lolu wa non mais non man dama nek di tek non pas argument di tek manam voilà manam li nga xamantene mom moy cas de figure voilà manam bu man cas de figure la nek di tek waxuguma até ah cas de figure rek la tek parce que lolu tamit dañ koy giss on le voit dans la vie de tous les jours hein cas de figure yoy man mi giss na ci ben cas voilà voilà mais kokou tamit question la est ce que ndaw soso tay suko nexé mën na ni man par exemple damay ñaan sama bat wala damay siméku rien que non du deudul buñ wax lolu mënu ñu wax lolu parce que non instant bi mère ñu ngi commencer nek ci ay jugement de valeur wa non lolu day am nak day am mënu ñu le voilà wa mënu ñu dugg ci voilà mënu ñu dugg ci cas particulier ak ci jugement de valeur di wax ne par exemple que ni jigen ni de toute façon tous les jours ni lañuy doxale goor ni lañuy doxale parce que lolu nonu xet injustice la tamit ci jugement parce que ñepp yamuñu amna ay goor ño xamantene ni lañuy doxale nu rafet lañuy doxale amna ju goor ño xamantene nu ñaaw lañuy doxale comme ni mu amé jigen ni di doxale nu ñaaw am jigen ño xam dañuy doxale nu rafet manam mbir mi mom mënuñu jël ben mbir rek daal ni ñepp ni lañuy def wala ñepp né lañuy def liñu mëna liñu nga xam dañu mom mën nañ légui ñun suñu rôle nekul ci juger après nan la société bi di doxale mais suñu rôle mom moy né bu li amé nan lañ koy attéwé man fim toll lool rek la nek di gérer manam nekuma di gérer bu après cas de figure bu dalé ñom Modou ak Samba wala Ibra ak Demba ak Fatok Astu wala ñom après nan lañuy régler problème bobu ñom après ñom ñu régler ko mais man limay nek di wax moy né li bu amé ni lañ koy attéwé et que borom xam xam yi rahmatullah alayhi sel wax yi li la voilà légui kon cas de figure bi nga xamantene mom moy cas de figure biñ doon wax sank fofu moy comme par exemple lool hanafiya rahmatullah ñom dañu wax ne jigen ji du am droit manam goor gi du am droit face ndaw ci par exemple ci cas de figure yu mel nonu lool amul droit bi voilà wala parce que amna parce que cas de figure yi di tax ku ne jigen ji mëna ñaan batam wala goor gi mën ne ah ki ka dama koy may batam manam ay cas de figure yu dul jeex la mais li nga xamantene mom moy li kenn ku nek mëna def manam ak lu kenn ku nek mëna wax moy dañuy set dañuy xol li nga xamantene manam mom la manam moy lu general lo xamantene cadre figure yu bari man nañ ci duggu moy une globalité voilà légui kon cadre figure bi ni buñ ko gisé mo fofu la wu borox mo xamuy rahmatullah alayhi mu wuté ci question bobu voilà parce que tamit mom dafa japp né waji da fay japp né légui amna quand même légitimité wu wacc soxna ci parce que amul manam li taxone mu tak ko munu parce que man amul dara lu meuna xew sen digeunte amul lu ko waji manam lu ndaw ci meuna lu ko ngum ko meunal lu ngoy defal munu ko bayyi ci keur gi dem mom kesse et cetera manam dafa beuri ay mbir yo xamantene quand même ay galancor la yu fi ne yo xamantene meuna tax ne waji ne ah man kat ki dama koy mujjé may batam mu delu keur waju rom wala yu mel non lolu ci la borom xam yi wouté nak rahmatullah ndax na man na nek wala mon nak mom la wax ni la am nañu wax ne lolu man na nek ndax waji dina man am droit bobu ñene dede lolu mënul nek waji du man am droit bobu tout simplement seen bi no bal bo ñu wax ci waji jël ko fofu jeex na amul ëdd waaw légui ndaw si delo na tribunal bi mu atté wala raison yu valable waaw amna raison yu valable yi nga joxe moy ndax ak yi gën mak ndax moy di respect nako wala ak yu bare bare waaw mune li raison yoy ndax ndaw si xagn na taxaw ni rek ni même bu amul ben raison valable mune beugatuma waaw lolou amna droit bi mais bu boba dañuy acc mbir mi ci question wu ci décision waji parce que juge mënul ta seuyu jambour ci mali foro nono rek parce que juge bi amul amna ay pouvoir mais amul pouvoir yépp. Et puis, qui connaît, c'est ce qu'on a, c'est du secret de polichinelle. Là. Si on a donné un bâle, un bâle, mom non ci loxol jigen ñi kessé, mais kon sey yi tass kenn xam ñu toll. Parce que tous les jours nous am cause buñu fi tek pour wax né dañuy ñaan fen ba. Ah. Là. Man tamit xawmako ah d'accord non moy mais lolou voilà par exemple cadre figure bob juge bi day meuna tindi sey bi manam moy comme par exemple wadi day teye ndaw si rek ngir manam ngir sonal ko manam du ko diko maltraiter ak yoy ba pare du ko may batam. Par exemple, cas de figure vous mettez non, lors du juge, vous êtes quoi d'admettre des ligues. Voilà. Ba kérok wo ndaw ci amal benen jëkkeur ba joté ak mom ba jëkkeur jojo bayyi ko ci xel mu dal mo xamné kèn forcé wu ko kèn ko rompru waji do ko mëna takka moy ka bi mo len doon netali ci jotay bi wésu voilà. Mais là, problème là, on va maintenir, moi, je vais dire, voilà. Voilà. Non, je fais bien, c'est le cas, d'accord. Eh, quand bah, madame, elle. Le fait que le talk up, c'est ce qu'on a dit. Vous avez fait que 4 mois, 10 jours. 4 mois, 10 jours, moi, il y a des. Mais 4 mois, 4 mois. 4 mois, vous avez aussi des dates de mon juge pour réclamer le droit où nous t'assurons. Lolo amna si non il faut que ñu wo waji problème bi fofu lay nek nak il faut ñu mëna contacter waji parce que qui lui voyage ki di voyage du yag al kokou seyou en fait en gros mën nañ ni ci loxol ndaw ci lay ne ci buntu bobu ci loxol ndaw ci lay da moy seyou modou non sen sax sen sey amna buntu bo xamne ci loxol ndaw ci la ne moy bobu ndaw su bu ko nexe mu ne effectivement man legui dama beug comme que yow neko fi munuma tok dal lu upp 4 mois te gisuma la legui mo nexe mais bu d'accordé ci avant que voilà question bi yep fofu la nek voilà yoy yep waxon nagn ko fi manam moy ne tout mbir mi yep lay défendre nak legui ci accord bi su fekkene ne dès le départ xamna ne parce que lolu bu fekkene dès le départ xamone na ni ki day dama ko ñew té day arriver que mu dem top bu fekkene na xamul won lolu nak au départ ci lay meuna amé droit bob mais su ko xamé xam gu leer né lolu la mu d'accord ci sey bi ci condition yoy lolu dotu nek té raison bu valable pour mu meuna sasteur voilà non mais juge il faut mu xar wa meuna jot wadi parce que après il faut mu meuna wax parce que munul teureul atew tass suyu jambour ci lo xamantene contacté wul avion xamul ko avion wadi ak tamit xamul lu ko teye parce que est-ce que raison la ban raison la etc et que bu boba suneko par exemple su ko su wadi ne wala aw mo pass buma indi nangam wala yenen problème yo xam fi mu nekkat mu mo fi joge nangam legui boba dañ nan ndaw su so beugé nga tok na sama ba ya ngi ni so bugul nga dem su ndaw si ne mam mon damay dem dañu tax sey bi day dem Non. Modou ñu France wala États-Unis astu kat tok na 1 an 2 ans gisuko wala nenañ 4 mois nañ wax 4 mois gisuko mu dem plaindre ci juge bi ne ko astu man day modou mom ñi ngi ni sama borom keur la 4 mois ngi ni gisumako degumako legi ñu fexé jot juge bi fexé jot modou ne ko ndax man nga ñew parce que so ñewut buma laje astu ndax dafa décider vraiment que ni ñu tassé bi dañ koy tass modou né manuma ñew mais sey bi mom d'accorduma ci mu tass juge bi day daal di mëno bu laje astu né damay tass rek dañuy daal di tass sey manam parce que lutax parce que droit astu la ci muy gis modou su fekkene droit bobu meunatu la taxaw juge bi day la du meuna am droit bobu non lolou fenn rek lay problématique moy ndaw si bu amul ben raison bu valable bu voilà waxut dara fofu rek la problème pour fofu lay problématique est-ce que imam meunou le présenter juge voilà effectivement manam ci deuk yo xamantene comme deuk bu melne Sénégal deuk bu melne France etc yoy imam yi meun nañu représenter juge mais il faut que mu nek imam bo xamantene xamna parce que mënul nek n'importe quel imam rek mu taxaw comme niko gaay defé nga xamantene dañuy tok ni leg leg nga gis man amna ci ka bu yémi dama dégg waaji akana voilà waaji dafa jek gayene comme ñun paay demone manam jaay dikene demal ñi ci kër gi paay ñoo waxtaan feele ne comme ñun paay doxone sey bi ñoko doxé di wat ñu démat ci jakké di doxat ko né pour ñu tass sey bi légui ah né dem nañ wala ñun ni ko doxon légui démat nañ ci jakké di toga manam processus bobu fan la am ci l'islam lolu yéme la manam moy yalla ñu yalla sam yalla ñu yalla sam wala ñu jullé inshallah Allah ta'ala Non, amou fekkon ci nek non ni ngi tambali wat Allah si est-ce que si ça va color don sax tour bi kay tour bi wa bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd wa para ko rek li ko don wax sank manam bu fekenteene waji dafa joxe won manam bu don cianam manam nimu tane won ndaw moy 100 francs effectivement bu joxe 100 francs rek sey bi lay dal mëna tass la manam bu joxe waté 100 francs ci koy xolo dal manam ku simé sey bi lay dal mëna dañ waye wul lool duma na né dama déggol dañ déppé dans ko bon bu mul joxe li ko dam amal tégal dara sama loxo wa parce que lool tamit attention lool suñ ko waxe moy ne jikko di mën nañ ko bal na la ko leg mën nga dem lool sama man na ne symboliquement wa wala nga symboliquement nga dox ma dara wa lool man na ne wala oy wa lay ko ñudel ñu ñew ci wa kile jaba mo fi fanane ya ci baye ko wa ñu japp ne mom loolu passé ba mu dem ba am benen jëkkeur legi ba bo mom lan lañ ci wax lool lañ wax ci bu nikah subhu nikah moy sey bo xamantene du jëmmi sey manam du sey ci sharia mais dafa nuru ak sey c'est à dire que acte bi nga xamantene moy wiru comme tay par exemple ka du figure nak beuri nañ ci sharia lu demé neké ki nga xamantene dafa am dafa tak soxna ci circonstance yo xamantene mom mo xam mom mi tak wala ñuy ko don tak manam ñepp dañu jappone sharia mom man nanguna li ndekete ci sharia nanguul lool ñu tak sey bobu du wër waye subhu nikah lay tuddu manam moy ne dom ji nga xamantene mo cey juddo kene mënu ko tuddé domu njaalo waye nak bis bi ñuy yegne sey bobu baxut ci lañuy arrêté ci le sey bi di jeex en fait amul nañu xaar ba li wala amul lolou yep amul nan idda bi nangam la yoyep amu ci saasi non fa le sey ba ñam cas de figure bi ngay wax ni lolou ci la bok benen cas de figure yi moy lu demé nek comme li nga xamantene mom lañ wax sank waji dafa dem lu yag ken yeug ko buñ dejeul ko finalement ñu mujju ko dejeul jabar bi do muñ teñje buñ paré ken teñje rek dañuy daal di mëna am benen jëkkeur bu waji delu sé dañuy xamné ndéggal sey bobu baaxul won parce que dañu takkon sey ci kaw sey lool tamit mom ci bu nikah lay tuddu manam chebu moy luy nuro lu semblant voilà un semblant de mariage manam luy nuro sey la lol tamit mom moy arrivé comme ki nga xamantene non cadre figure amna ay cadre figure yo raisonnable am yu gëna raisonnable en tout cas que yeneen yi ci dess moy comme par exemple ki nga xamantene dañ ko may soxna ne ko demal ci neeg bi sa soxna fa ne manam musu ko gis mu dem ci neeg bi ndekete ko mu gis du soxna waye bu fogg ne soxna am la mu joxe ak mom mu jele ci eumbu masalam eumbu jojo kenn duko tuddé ndialo dom jojo wala lolu tamit kenn duko tuddé ndialo waaw mais xam nga lolu tax mané amna ay cas de figure yu gëna vraisemblable que yenen yi voilà etc donc amna ay cas de figure yu bari amna cas de figure comme ko xamantene tay par exemple bu ñëwé ci fuqaha o maliki par exemple rahmatullahi lolu bokku na ci yi nga xamantene matna baye xel moy mënu ñu wax né comme sey bi façon bi ku ko sey amna manam dom jota am dom ndialo lolu dafa nakare wax parce que au moment où sey bi tak nañ ko rek pour wax car pour wax lolu non dafa jafé manam comme tay par exemple buñ xolé fuqaha o maliki rahmatullahi alayhi ak jumhur manam lepp ci borox xam ñom dañ japp da masalan ke ni ak kilifa manam buy tak sey bi te mu nek kilifa ndaw si man ta ñak ci sey alors que bo xolé fu hanafi harafiy rahmatullah alayhi ñom pour ñom lolu man na ñak ci sey du condition buñu xolé fu hanafiy rahmatullah alayhi ñom dañ japp ne ñaari sédé yi condition lañ ci sey buñu xolé fu maliki ak ñene rahmatullah alayhi ñom dañ japp ne ñaari sédé yi duñ ci condition ak manam tay buñu xolé buñ topé masala bobu kenn ki tay par exemple ñew tak sey bo xamantene par exemple condition manam benn ci ñaari condition yi mo amul par exemple bi ni nga xamantene ñi dañ japp né condition la ñéne du condition ki japp né fi né condition la ki japp né du condition mu ñew koku xalé manam buñu xose ba tak sey bi dom yoy non di ci juddo mu né fu leena tuddé domu ndialo même bu fekkentene ci mazhab yoyu fiqh bobu no manam sey bobu kene duko tuddé sey deug deug mais dañ nan shibu nekkh la manam dafa nurok sey te du sey bis buñ xamé né nekete ci condition yoy lañu také won sey bi dañuy dadi tinki sey bi manam pa tinki sax manam moy day arrêté sa sey amul luñu tinki ak luñu dindé ak yoy du jar comme li pa yoy defon di dem ay jakkat nak nan pour nañ dindi sey bi lolou do ko jarat voilà wala et cetera donc yoy ay cas de figure la yo xam tane yu meuna nek la comme ndaw sosu non nga bu ci amé dom jojo legui dom jojo ki di bayam moy ki ñu ko may ku mujjuki manam kiñ ko may ku mujjuki te may gogou même bu di baxut wërut ci sharia koku moy nek bayam amna cas de figure yo xamantene manam comme ndaw sosu nonou bu japp ne dañ ko fassé ta fassé wuñ ko mbokam yi tamit japp ne dañ ko fassé ta fassé wuñ ko bañu may ko kenen buñ ko mayé kenen mu am fa dom ñu mujju leen leer ne nek dañu joomul ci atté bi koku bu boba dañuy adela deulat amul japp idda ci saasi le sey be yaq ha effet immédiat voilà légui ci dar gi le sey ba yak ndax jabaru jambour la moy comme cas de figure ki mala wax né par exemple dafa dem al tolok fukki at ak djourum ñaar fukki at kenn gisuko kenn deguko amuñ ci mom nouvelle ba nga xamantene légui dañ koy dadi commencer muy rasko commencer et cetera manam jabari tinjuko lolu nonu bu amé buñ décidé lolou bamu am nonou bamu démé nonou ñu jék waji déllu ci bu waji déllu ci lé woba dañuy né ah dañu jappon ni réw heure bi manam lu tollo ni ku ñu ti tok té amatu ñu ci yow ay nouvelle limi ték moy da nga dé wayé da kum ko nek ci diiw kon sey bi valable na ba légui seyum koku seyum boba valable na ba légui fassé wut ndaw ci légui comme que sey bobu valable na dom yamuy amé ci benen sey bobu ndek ci sey bobu valable won dom yoyé dañ koy askanalé ki nga xamantene moy kiñ ko mujjé tak dañuy donu sen bay manam ki len askana la danañ donu sen bay bobu mais sey bi mom fi lay yam ci côté bi mu delu ci wat manam day setat ben yon ben wer lay setat la ndaw ci di setat ñu delo wat ko jëkërum du jëk jëf ñu takkar sey bi amul nañ takkar nañ dajé wat ci jakk di takkar sey bi amul lool parce que sey bobu nu suta tas légi cadre figure benen bi nga xamanteni mo possible fofu moy amna cadre figure yo xamanteni duñu askanalé bay bi lan dom manam dom ji yaay ji rek lañ koy askanalé té du don domu ndialo tamit ha amna cadre figure yo xamne dom ji du don domu ndialo te ken du ko askanale baye bi mais yaay ji lañ koy askanale moy cadre figure bi ci gëna répandu moy bu léane moy rebeunte moy lan moy su fekente ne waji dafa ni man de ni xale bi eum wala bok xale bi nga jur de nuru ma do sama dom man dal wolu ma la ci juruma wala ki nga eum man juruma du man may bay bi yaay di ne ko de kula moy kan boko jur kuy bay bi kenen kan la moko meuna don tawlu djok ñu dem ci kanamu juge bi ñu rebeunte manam moy ne ki ne limu koy jinde wat na ci yalla ne mom moko def parce que ki mu ëmbu du sama dom wat na ci yalla ne ci djumuko daal di ñaan ne daal ni rebbum yalla yalla teggu sama kaw su fekente ne limu wax du deug manam bu legi bu boba ndaw si tamit dañ nan ko waw yo tamit defal wat bu melni bimu def ndaw si daal ne wat na ci yalla daal koy wat ñent yonne li mu wax amut ci juromel bi mu wat ne yalla merum yalla dal sama ko um fekente ne mom limu wax deug la bu boba sey bobu dañ leen di takal ila yawmidin amatul ben circonstance bu meuna tax ba ñom ñaan ñu seyat meuna tu la ne hein ila yawmidin sey bobu do fa amati waye nak dom joju buñu do yaay ji lañ koy askanale te duñ ko tuddé doomu ndialo buñ ko tuddé doomu ndialo ndax ci biir sey la juddo parce que possibilité bi nek ci na papa ji wax na deug yaay ji wax na deug te lan qaay rabbi dafa wax lan ha al yaqin la yuzalu bi shakk lu wor kenn du ko dindé lan sik sak lan mo wor yaay ji ko jur e que lan bay bi moy waaw mais moy jeuker ji kon ci sey la nekkon kon nak du doomu ndialo waye sik sak bi moy lan moy waaw moy possibilité wu mu nek doomu ndialo lolou moy possibilité bi kon nak ken du dindi lolou manam kon wajjo ndaw ken du ko meuna tudde doomu ndialo mais nak du doomu ndialo mais du donu bay bi ndox duñ ko askanale ha no yaayam la ah ok mais mom japp na né munu ko juruko mais mom bu xana bu démé ba soné ko parfois tamit lol man na né manam mom mën ki jurumako lol man na warna mëna né han waw non. Test de paternité, kenn duko def ci cadre figure yoy. Waaw. Test de paternité, kenn duko def ci cadre figure bobu. Parce que cadre figure le bo xamné sharia indi na ci atté. Bu leer. Sharia indi na ci atté bu leer. Ha? Wa mais jigen di tamit mën xam nga possible parce que waji mën na soupçonner né ndaw si dakoy nax dakoy jull lol nak lol mom amna voilà lol mom amna mom amna ay jigen ño xamné mom dañuy du yaté nimu amé ay goor yu koy def légui manam cadre figure yi tax ba waji meuna soupçonné lool bari nañ ay cadre figure yu bari lañ légui la tamit effectivement meuna judd nuru keneen ko xamné mom japp na ni ki dal nuru mo ci même ci nit ki ci bopam manam nit ki meuna ñuul am jabal du ñuul mu jur dom di nek tuba lool man na ne nit ki meuna nek tuba jabar di nek tuba ñu jur dom di nek nit ku ñuul kuk comme que possibilité bop meuna ne amna mais surtout ci ñu métissé ñi nga xamantene ci de génération en génération dañu métissé won lool man day nek ci ñom voilà man gis na ci ñaar cadre figure yep ko xamantene waaw voilà non même ay États-Unis dafa daan xew yu bari lu bari ndax esclavage bi fa jaar et cetera wala ñu mel non mais fiki ni amna ñoo xamantene sen pa yaay ji day ñuul ko baay bi nek tuba dom ju dudd mais ñun ko amul sax karaw bo xamantene karawu tubab la amul manam ak ki lepp dafa ñuul ko donc yoy yep day am comme que mbir bi day démé nonu nak mënu ñu juger manam sharia du ñew rek nangul lool parce que amna ben way bu ñew wax ko yent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man sama jabar dafa jur dom jo xamantene dafa ñuul yent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko est-ce que am nga geulem sa keur munako waw munako geulem gi amul ben walu manam geulem gi dafa xonk mais mu am lu ñuul lu nekk ci mom munako enkay munako lool lu ko waral baye bi est-ce que dako am muné dedet yaaji am nako munako dedet munako la muné la allahu nazahu irq xeyna ne am sidif moko xecc manam moy lan moy ci ay mamum manam geulem gi ay mamam daf ci am mamam bo xamantene dafa amone tâche bobu kon ki am lolou munako yow tamit la allah nazahu irq li ki sa dom ji li tax mu ñew ñul amana lolo ko waral sayyidna usama ibn zayd radiyallahu ta'ala mom non la melon usama ibn zayd radiyallahu dafa dafa xawona dafa amone dafa jengone ci ñuul manam moy genre comme ku metti ci trop ni ku xess jeng ci ñuul wa pa ñepp du commencer ñen mal ñu commencer wax ha mom de nuruul bayam te nuruul yaayam manam parce que yayam moy Zainab bint Jahsh radhiyallahu anha Zayd ibn Haritha momit dafa xess dafa wex nit ku wex la ko ki nu def ba melni waye bi amé ben way bu joggé ci kaw gi manam moy ñoo nga xamantene buñu xolé tanku nit ñi dañ ci mëna xam affiliation nit ki ñu ñew fekk leen ñu sangu ñom ñaar manam Usama ak Zayd sangu biñu sango tanki feñ sen ñaari tanki mu rombu dal ni li de ben borom tanki mi ngi joggé manam tanki la ben bi ci dess la joggé yentibi sallallahu alayhi wasallam deg ko kontan sallallahu alayhi wasallam comme niko hadith bi waxe nga xamne su kontané manam xar karam gi day melni wer bu mat manam day sentir yentibi sallallahu alayhi wasallam kontan ci lolu te xam nga yentibi sallallahu alayhi wasallam du kontan ci ay tiaxal eko dañ ci mëna xamé né manam lolu nonu manef nako gam lek lu démé nek li ñu tuddé test de paternité parce que méthode la rek bu évoluer manam ñi méthode la buñ am diko mëna xamé ñeneen ñi après mëna évoluer et cetera mais ci cas de figure bu melni biñ doon wax sank sharia andul manam andak ne xetu ñooñu amon nañu yentou sa sallam waxul won ne bu li amé rek da ngeen di wo gaay ñu xol te pourtant ñoo existé won nañ mais dafa ni li lañuy def comme que bir mi non la déme nak lool moy wané ko lool moy nek lan atim kenn mënu teur atté bi ci lenen ci lool motax cadre figure bob kenn du ci liar lañ wax di gaay dañu li am moy rebeunte koku ñu doon wax wala rebbu bu fekente ne manu nuko ñu ba voilà parce que yeneen xet parce que mi ngi ni kay Le nom de l'or, mon ami est là. Voilà, donc, cas de figure, il n'y a pas de test de. Voilà, test de paternité, il n'y a pas. Voilà, si vous voulez, comme quoi j'arrête, parce que l'or, vous l'avez déjà fait. Regardez, vous l'avez déjà fait. Regardez. Mais les conséquences, surtout, si vous connaissez moi, c'est le seul qui doit être juste, il a eu un midi. Mais lolu nonou day daw ci bepp cas de figure bo xamantene kenn ci ñaari way dencante yi dafa ji moromam ndialo wala kenn ci way dencante yi dafa ji moromam ndialo parce que ji ndialo nit ku meuna doon day waral ñu door la 80 coups su fekenteene mano indi ñent CD yu bokul fuñu joge mais comme negu sey quand même cas bobu dafa ci gëna délicat sharia wutal ko benen atté bo xamantene dafa spécifique ci negu sey motax lolou dafay génn sax même côté qiyas dafa génn manam règle bobu nonu ci digënté way dencënté kessé la applicable kenn duko appliquer ci lenen manam kenn duko appliquer même ci ay entre frères ay wala entre frères et sœurs wala entre dom ak bay manam bu bay bi ne dom ji mom ne dam ko gis muy ndialo dañuy wo ñent cede suñu gisul suñu indi wul ñent cede bay bi dañ ko door 80 manam lool ci negu sey rek la valable ndax lan ndax dafa genn xiyass ndax delicatesse bi nek ci loolu parce que bu doon ne quand même malgré loolu yep manam muy waji wala ndaw ci amul droit même bu gisé jëkërëm wala soxnam ndialo amul droit quand même metti luko lolu ka bu manam lolu quand même voilà lolu dafa délicat alors que fé baye bi mëna sutural dom ji mëna sutural manam ci la gëna yombé etc. D'ailleurs, moi, exemple, bob, bok na ci exemple, yiñi joxe ci qaida bi nga xamne mom moy wax nan ma kharaja anil qiyas fa ghayruhu alayhi la yanqas. Lepp lo xamne dafa genn ci qiyas duñu meuna wul beutiku diko qiyasé ci lenen. Qiyas moy luñu meuna natale gam gam le manam a luñu meuna comparaison wala analogie buñu meuna def ci dara. Voilà. Ya kana ni lol tamit lan na leer na ko xamna wa wa c'est que qaida bi dafa ni tay mom say tay mom ay qaida lu ñu voilà tay ay qaida rek te qaida bi hadith la bo xamne dafa ni kullu shartin khalafa kitab allah fa huwa batil bepp shart condition bu ñu tek ci mbir mu mëna doon wala ben att sax ku xop lu sax atté rek bu wuté téré yalla bi lolu manam dafa ñul manam mom ak mu am bojo na ma fi nek ñoyam fiep parce que lan al ma'dum shar'an kal ma'dum wala kal mafqud hisan lolu tamit bena qaida la lo xamantene nekku fi dafa toxu dafa inexistant ci sharia nangou ko lolou ak lu fi nekku won ci jëmum ñoyam ñu deeng nga wax bi ci cadre figure bi buñ koy appliquer moy ne sharia nangoul ñuy def test de paternité pour mën di atté nit ku jinn soxnam wala jëkërem ñalo comme que mbir mi non la démé mu am ak mu ñak am ñotiyam ak nek yim fi nek mom manam c'est comme lan c'est comme tay bu mu bëggone par exemple bu mu jëlé mbam khoux yor ko ñew di la jinn ne dang ko sacc dang nga sacc sama mbam khoux ñu dem ci kanam juge bi ci sharia manam amul manam dañ nan ma yow man en fait mbaw khoukh bi manam mom ging ko mom comme que légitime ci sharia mok nga ñakkon ko moma yam manam amul valeur buma démé nan sama guitare la mom la waji satchak ay objet de valeur la ñaata nangam la ko jëndé won ak yoyu amul valeur parce que lutax parce que al ma'dum shar'an kal mafqud hisan lo xamantene dafa existé wul ci sharia mom ak li nga xamantene dañu ñak réellement ni ñoyam voilà amuñu venn amuñu voilà bon est ce que mënañu existé na sharia comme nga wax légui ni que façon bi ñi sété rek mo change mo évoluer ba ko le comité tamit non attention ci cadre figure la wax xam nga tay mënuñu jël ben affaire lolo tax globalisation mbiri manam mbiri atté mbiri mënuñu ko jël de manière globale ludul né manam mbir mu nek buñ ci teural atté il faut que ñu bayyi xel ñaari mbir il faut que ñu bayyi xel élément par élément ak globalement parce que mbir mëna nek lo xamné day dagan buñ ko jëlé de manière globale mais buñu xolé élément yi ci bir lay xaram et vice versa lol man nané comme bay'ul aina moy njaay mo xamantene ayna la tuddu manam xétu njaay la mo xamantene manam amana mom la ñaan sulbuki damay dali mais wala ben ci formam yi wala ben ci formam yi suma jëlé sama portable ne la wala sama tablette bi ne la tablette bi day bëggon na la ko jaay ne la man waaye dama la koy jaayé 100 euros nga jox ma 100 euros ñu dem ba jëmmé jamono ma ñëw ne la gis nga tablette ba ma la jaayoon ne la wa nga dama ka bëgg jëndaat ci yow waaye 80 euros la koy jëndé nga jaayaat mako xam nga buñu jëlé le fait que ma jaay la dagan na le fait que nga jaay ma dagan nañ wala mais nak sharia day daldi jël globalité bi yépp daldi gis ne nek ci élément bi dang ko fé té kessé mais amul valeur amoutul valeur c'est comme si da nga ma joxone 100 euros ma jox la 80 euros lool moy jëm lool riba la moy hadaf haram comprendre c'est-à-dire que amuma droit jënd même matériel bi ci yow bu paré jaayat lako yow même jëm minute awuma droit bobu voilà c'est-à-dire que manam mbir mu né donc dafa am ay xol bayu taqsit bayu taqsit boko jëlé globalement dang koy gis da ngay manam boko xolé ci benn côté da ngay japp né xeyna warna mëna haram alors que boko ñëwé indé ci sharia day dagal ndax dañu xol dañu samonté ak élément yépp bayu taqsit moy lan moy né ñu jëlat kaawu lan tablet manela boma ñewé di mo meuluko bëggé jaay tay content 100 euros la koy jaay ngane ma man nak 100 euros vraiment day bari ci man boma ko mënon échelonnel manela échelonnel na la ko chaque mois dang may jox 20 euros ba muy 10 mois buñ bolé lepp ñaata la kon dama ju 5 mois la bëgg wax dama lay jox kon 20 euros par mois ba muy 5 mois muy ñaata 120 alors que kon ñu lañuy 6 mois waaw kay 2 fois 6 moy 12 voilà muy 6 mois boba lolo sharia da lako daganal manam dama nan la content dal bo beugé légui nga jox ma 100 euros xobet so beugé ma échonal lako 20 euros nga jox ma ko par mois bu 6 mois jeexé ya ko mom sharia day daganal bob donc manam mbir mi té pourtant bu fékonté né dama ñëw rek pourtant su fékonté né dang ma ko lepp muy 100 euros nga lepp mako wala ma lepp nga lepp ma 100 euros ma dila ko nga dima ko fay par 20 euros ba 6 mois lol day xaram hein wala ndax riba bi manam kon tay manam motax affaire munu ñu jël rek ben affaire rek dal ne parte bi nangam rek la mun sans globalité bi c'est ak ni sans ñu prendre en compte élément yi légui paternité bi lol la la wax ñaari mbir la dafa am bu dagan am bu haram bi nga xamantene mom moy bi dagan moy bi nga xamantene amul par exemple du ne nit ki dafa ndialo ñu bëgg xam domam parce que ki ndialo même buñu xamé est ce que xam nga ni domu ndialo yi lu ci bëré da lay xam ko juro lu ci ëpp dañu xam ne diiw moy bay bi mais comme niñ ko waxé sank al ma'dum shar'a kal mafqur hisan lolo kaayda bi ki lepp lu fi ñak sharia ci sharia ndialo gogou mënu fi wona am manam moy sey bobu daga du ci sharia kon sey bobu mok li fi amul ñoyam parce que leer na manam sey bobu comme ko daga nu ci sharia legi mom ak mu bañona am ñoyam rek manam bay bi manam ci jur dom bi du bayam ci sharia fi tamit non la deme rek manam ci côté bobu lool mom motax recherche de paternité ci buntu bobu amul ben ndariñ

bu légui day nek riba wala day dagal dedet bobu day dagal parce que échelonnement bi motax parce que échelonnement bi man dama ci profiter yow nga profiter ci parce que dang ma alléger charge bi ma alléger la ma yokal la touti khalis voilà ñun ñaan ñeppay gagner alors que bo xolé règle riba yi so xolé deug deug li tax muy haram en tout cas ci yu upp ci cadre figure moy le fait que bénéfice bi fenn rek lay fété voilà c'est illicite bataille c'est illicite non attention même tay bumako djelone def ci valeur ajoutée douma lako meuna jaya tay suma ñewon def ko pièce manam comme auto ñu djel auto mu ñew defor go paré mu ñew jënd ko retapé ko ñewat bëgg lako jaya douma ko man produit mënuma ko jëndé ci kenn ñëwaat jaay ko même nit ki yow bu féké da ngay jënd di jaay nit ki dem ba jëm ci jëmon yow lool ko jënd ci auto mënuma ko jaay mënuma ko jënd ci mënuma ko jaay mënu ko jaay dedet mom mënuma ko jaay ba paré mënuma ko jaay élément par élément mais bo wañi mënuma ko def pièce détaché jaay ko produit link mais bo wañi ñek jëlé kay maam mën sa né lool mo mën ta né voilà voilà mom c'est fini même personne dal mën né mëna tout la né mënu ko jaay kenn mu jëm wa lool question ñi la won du won sa boss voilà voilà oui mais lan nga may jaay même matériel bi man bi ma jaay moi je te le vends 100 € la aujourd'hui waouh toi tu vas me la revendre 100 euros. Non, le fait que nga jaay mako motax man tuma lako jaayat mais produit dérivé voilà par exemple toi jaay la gerté voilà def ko dew diwlin mën nako jaayat voilà parce que même amna attention amna cadre figure amna benen atté bu ko nuru moy nga liguey louma ci benn mbir ba paré salaire bi di guéné ci jëm mbir mom nga may liguey lo c'est-à-dire ma nga rendi loma xar fessal ma mo ne ma rendil ma xar mi fessal mako ma nga bu ko defé man ci yap bi ma jox la ci 1 kilo comme salaire lolou bu mënul nek wala tabaxal ma kër gi après ci biri gi ma fay la ci biri gi lool lañ wax ni mo dagnu wa señu ñu señal sama man sama question faire la géomètre wa graphique wa ñu opération sophie morcelé après ñu fayé ci terrain lool dede lool baxul non lool mënul la lool mom motax mënu mo jaay manam bu fekkante ne matériel manam ñu jëmmi mbir mi mënu par exemple mënoma jaay lool dafa am ci lu bari ha kay ñewal ma après ma fayé ci tissu bi lool tam mënul ne wala togal ma restaurant bi manam legui repas bi nek salaire bi lool man tane des services mo ko des services wa ligueel mo xaliss ligueel mo ligue gene xaliss fay la xaliss mo service de la quoi nan mais lool lenen la service le produit non du produit bi ah bon produit lañ wax voilà produit bi legui bay kat bi xam dafa bay wa bi jënd gatte xottu bi la ki bi wa après bu démé ba ki bi bëgg ñëwaat day ñu xol li gatte bi jaay ko ko wa jiw bi xol li ko wa bon est ce que non mais duñ ko jaayat non bu fekkante ne gatte gi giñ jël ci mom mu mënu ñu ko jaayat gatte giñ jëlé ci mom mënu ñu ko jaayat lan dañu def lan non attention lolou woutena voilà non woutena non lolou woutena taxi man bi limi def moy dang koy jël ne ko defal ma ay course bu la defale course après nga ngam ko werrou de nangam la lay fay lolou mom mu dagal na parce que momak ki nga jël ci boutique bi ne ko jaayal ma sama boutique wéru dé ma fay la nangam dama la embauché pour nga nek vendeur ci sama magasin wéru dé ma fay la ñoyé non lool daganul lool mom daganul parce que dañuy léger soit taxi man bi soit borom taxi bi Je vais vous dire que la taqulu amwalukum baynakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradum minkum yeen nga xamne gëm ngeen te deug bu la lek sen alal sen bir kenn ci yeen di lek alal moromam ci tiaxan ci lu neen xana mu nek lo xamantene am njaay la mo xamantene da ngeen ci d'accord alors que buñu xolé cadre figure bi moy ne dama lay jaay même produit bi après ñeu jëndat ko ci yow cadre figure bobu non sharia limi gis mom moy day gis ne bu baye xéetu ar interaction yoy di dox manam nit ñi dañuy abuser ci lolu manam pour contourner riba bi tout simplement moy ne au lieu ma jox la 100 euros après yow nga dello ma 120 euros mo gagné ko légui damay jël ben matériel tek ko ci digënté bi né 100 am joxé na la ko 100 euros ga dello yow mako 120 euros manam alors que alors que lolu moy lolu xet contourné ci la rek contourné loi bi la rek manam moy tiaxal lañu voilà dama lek sa alal ci nen kan di ko wala